La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona. Bonsoir et bienvenue sur les lectures nocturnes de Radio Boncon. Ce soir, nous allons lire le chapitre 4 d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Dans l'épisode précédent, Ron, Fred et George sont venus chercher Harry en voiture volante et l'ont ramené chez eux. Madame Weasley leur a passé un sacré savon et Harry a commencé à découvrir leur maison, aka le terrier. Sur ce, on y retourne. Bonne écoute! La vie au terrier n'avait rien à voir avec celle que Harry avait connue à Private Drive. Les Dursley tenaient à ce que tout soit propre et en ordre, alors que la maison des Weasley baignait dans l'étrange et l'imprévisible. Harry fut stupéfait la première fois que le miroir au-dessus de la cheminée de la cuisine lui cria « Remets ta chemise dans ton pantalon, espèce de débraillé !» La goule qui habitait dans le grenier se mettait à hurler et à jouer avec des tuyaux de plomb chaque fois que la maison lui paraissait trop calme. Et les petites explosions qu'on entendait retentir de temps à autre dans la chambre de Fred et George était considéré comme parfaitement normal. Ce que Harry trouvait le plus insolite, cependant, ce n'était pas le miroir parlant ni la goule turbulente, mais plutôt le fait que tout le monde semblait avoir de la sympathie pour lui. Madame Weasley s'inquiétait de l'état de ses chaussettes et essayait de le forcer à reprendre 4 fois de chaque plat. Monsieur Weasley aimait bien que Harry prenne place à côté de lui pendant le dîner, pour pouvoir le bombarder de questions sur la vie chez les Moldus, en lui demandant notamment comment marchaient les prises de courant ou le service postal. « Fascinant !» s'exclamait-il lorsque Harry lui expliquait le fonctionnement du téléphone. « Très ingénieuse, vraiment, cette façon qu'ont les Moldus de se débrouiller sans avoir recours à la magie. » Un beau matin, alors qu'il avait déjà passé 1 semaine au terrier, il eut des nouvelles de Poudlard. Lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner en compagnie de Ron, il trouva Monsieur et Madame Weasley assis avec Ginny à la table de la cuisine. Il y eut alors un grand bruit. En voyant Harry, Ginny avait fait involontairement tomber son bol de céréales sur le sol. D'une manière générale, Ginny avait une très nette tendance à faire tomber toutes sortes d'objets à chaque fois que Harry entrait dans une pièce où elle se trouvait déjà. Elle plongea aussitôt sous la table pour récupérer son bol. Lorsqu'elle réapparut, le teint de son visage évoquait la couleur du soleil couchant, mais Harry fit comme s'il n'avait rien remarqué. Il s'assit et prit les toasts que Madame Weasley lui offrit. « Vous avez une lettre de l'école, » dit Madame Weasley en donnant à Ron et à Harry 2 enveloppes identiques en parchemin jauni sur lesquelles leur nom était écrit à l'encre verte. « Dumbledore sait déjà que tu es ici, Harry. Rien ne lui échappe. »« Vous aussi, vous avez du courrier, » ajouta-t-elle lorsque Fred et George entrèrent à leur tour dans la cuisine, encore vêtus de leurs pyjamas. Pendant quelques minutes, un grand silence accompagna la lecture des lettres. Celle de Harry lui indiquait qu'il devait prendre le Poudlard Express à la gare de King's Cross, comme d'habitude, à la date du 1er septembre. Elle contenait également la liste des nouveaux livres qui lui seraient nécessaires au cours de l'année. Les élèves de 2e année devront se procurer les ouvrages suivants. Le livre des sorts et enchantements, niveau 2, par Miranda Fauconnet. Flânerie avec le spectre de la mort, par Gilderoy Lockhart. Vadrouille avec les goules, par Gilderoy Lockhart. Vacances avec les harpies, par Gilderoy Lockhart. Randonnée avec les trolls, par Gilderoy Lockhart. Voyage avec les vampires, par Gilderoy Lockhart. Promenade avec les loups-garous, par Gilderoy Lockhart, et Une année avec le Yeti, par Gilderoy Lockhart. Fred, qui avait fini de lire sa propre liste, jeta un coup d'œil à la lettre de Harry par-dessus son épaule. « Toi aussi, tu dois acheter tous les livres de Lockhart » dit-il. « Le nouveau prof de défense contre les forces du mal doit être un de ses fans. C'est sûrement une sorcière. » Fred croisa alors le regard de sa mère et préféra s'intéresser aux pots de confiture sans insister davantage. « Tout ça ne va pas être très bon marché, » dit George en lançant un rapide coup d'œil à ses parents. « Les livres de Lockhart sont hors de prix. »« On s'arrangera, » dit Madame Weasley, mais elle paraissait préoccupée. « Je pense que nous pourrons acheter la plupart des affaires de Ginny d'occasion. »« Ah bon? Tu vas à Poudlard cette année ?» demanda Harry à Ginny. Elle acquiesça d'un signe de tête en rougissant jusqu'à la racine de ses cheveux flamboyants et posa le coude dans le beurre. Heureusement, Harry fut le seul à le remarquer, car au même moment, Percy, le frère aîné de Ron, entra dans la cuisine. Il était déjà habillé, son insigne de préfet de Poudlard épinglé sur son débardeur en tricot. « Bonjour tout le monde, » dit-il d'un ton énergique. « Belle journée !»« Il s'assit à la seule place libre, mais il se releva d'un bond en ôtant de la chaise un vieux plumeau gris. Ce fut tout au moins ce que Harry crut voir, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que la chose respirait. « Hérole !» s'exclama Ron en prenant le hibou inerte dans ses bras et en enlevant la lettre glissée sous son aile. « Enfin ! Il apporte la réponse d'Hermione. Je lui ai écrit pour lui dire qu'on allait essayer de te délivrer de chez les Dursley. » Il porta Hérole jusqu'à son perchoir fixé à la porte de derrière et essaya de le poser dessus, mais le hibou retomba aussitôt et Ron dut l'étendre sur la paillasse de l'évier. « Lamentable !» marmonna-t-il. Il ouvrit ensuite la lettre d'Hermione et la lut à haute voix. « Cher Ron et Harry, si tu es là. J'espère que tout s'est bien passé, que Harry va bien et que tu n'as rien fait d'illégal pour le sortir de là, Ron. Sinon, lui aussi aurait des ennuis. Je suis très inquiète, et si Harry est en sûreté, dis-le-moi très vite. Mais tu ferais peut-être bien d'envoyer un autre hibou, car celui-là risque fort de ne pas survivre à une tournée supplémentaire. Je suis très absorbée par le travail scolaire, bien sûr. Quelle idée ! Commenta Ron avec horreur. On est en vacances ! Et j'irai à Londres mercredi prochain avec mes parents acheter les nouveaux livres pour la rentrée. On pourrait peut-être se retrouver sur le chemin de traverse. Dépêche-toi de me raconter ce qui s'est passé. Amitié, Hermione. Tout ça me paraît très bien. Nous n'aurons qu'à aller chercher vos affaires le même jour, dit Madame Weasley en commençant à débarrasser la table. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Harry, Ron, Fred et George avaient l'intention de monter sur la colline où les Weasley possédaient un petit pré entouré d'arbres qui le cachaient à la vue des habitants du village. Là, ils pouvaient s'entraîner au Quidditch à condition de ne pas voler trop haut. Il leur était impossible, en revanche, de se servir de véritables balles de Quidditch qui risquaient de s'échapper et de trahir leur présence. À la place, ils se jetaient des pommes qu'ils s'exerçaient à rattraper. Chacun volait à tour de rôle sur le Nimbus 2000 de Harry. C'était de très loin le meilleur balai dont ils disposaient. La vieille étoile filante de Ron se faisait souvent dépasser par des papillons. 5 minutes plus tard, ils montaient le flanc de la colline, leur balai sur l'épaule. Ils avaient demandé à Percy s'il voulait se joindre à eux, mais il avait répondu qu'il était trop occupé. Jusqu'à présent, Harry n'avait vu Percy qu'aux heures de repas. Le reste du temps, il restait enfermé dans sa chambre. « J'aimerais bien savoir ce qu'il fabrique, » dit Fred en fronçant les sourcils. « Je ne le reconnais plus. Les résultats de ses examens lui ont été envoyés la veille de ton arrivée. Il a obtenu 12 buses et il s'en est à peine vanté. » « Brevet universel de sorcellerie élémentaire, » expliqua George en voyant le regard interrogatif de Harry. Bill aussi en avait obtenu 12. Si on n'y prend pas garde, on va avoir un autre préfet en chef dans la famille. Je crois que je ne survivrai pas à cette infamie. Bill était l'aîné des frères Weasley. Lui et Charlie, le frère cadet, avaient déjà terminé leurs études à Poudlard. Harry ne les avait jamais rencontrés, mais il savait que Charlie étudiait les dragons en Roumanie et que Bill était en Égypte où il travaillait pour Gringotts, la banque des sorciers. « Je me demande comment papa et maman font se débrouiller pour acheter nos fournitures scolaires cette année, » dit George. Tous les livres de Lockhart ont 5 exemplaires. En plus, Ginny va avoir besoin de robes, d'une baguette magique et de tout le reste. » Harry resta silencieux. Il se sentait un peu mal à l'aise. L'un des coffres de la banque Gringotts, à Londres, renfermait une petite fortune que ses parents lui avaient léguée. Bien sûr, c'était seulement en monnaie de sorcier qu'il était riche. On ne pouvait pas utiliser les galions, les mornilles et les noises dans les magasins de moldus. Il s'était abstenu, pourtant, de révéler aux Dursley l'existence de ce compte à la banque Gringotts. À son avis, leur aversion pour tout ce qui touchait à la magie n'aurait pas été jusqu'à dédaigner un gros tas d'or. Le mercredi suivant, Madame Weasley les réveilla de bonne heure. Après avoir avalé chacun 12 de sandwichs au bacon, ils enfilèrent leurs vestes et Madame Weasley prit un pot de fleurs vides posé sur la cheminée. « Il ne nous en reste plus beaucoup, Arthur, » soupira-t-elle en regardant au fond du pot. « Il faudra qu'on en rachète aujourd'hui. En tout cas, les invités d'abord. Après toi, Harry, mon chéri. » Elle lui présenta le pot de fleurs. « Qu'est-ce que je dois faire ? » balbutia-t-il. « Il n'a jamais pris la poudre de cheminette !» s'exclama soudain Ron. « Désolé, Harry, j'avais oublié. »« Jamais ?» s'étonna Monsieur Weasley. « Comment as-tu fait pour aller acheter tes affaires sur le chemin de traverse l'année dernière ?»« J'ai pris le métro. »« Vraiment ?» dit Monsieur Weasley très intéressé. « Est-ce qu'il y a des escapators ? Comment ça marche ?»« Je t'en prie, Arthur, pas maintenant, » coupa Madame Weasley. « La poudre de cheminette, ça va beaucoup plus vite, mon chéri. »« Mais si tu ne t'en es jamais servi, ça se passera très bien, maman, » dit Fred. « Ne t'inquiète pas, Harry, tu n'auras qu'à regarder comment on fait. » Il prit dans le pot de fleurs une pincée de poudre étincelante, s'avança vers le feu qui brûlait dans la cheminée et jeta la poudre au milieu des flammes. Dans une sorte de grondement, le feu se teinta alors d'une couleur vert émeraude et s'éleva soudain plus haut que Fred qui pénétra dans la cheminée en criant « Chemin de traverse !» avant de disparaître. Il faudra parler bien fort quand tu donneras l'adresse, mon chéri, dit Madame Weasley à Harry pendant que George plongeait la main dans le pot de fleurs. Et fais attention de sortir à la bonne cheminée. Il y a beaucoup de foyers chez les sorciers, mais si tu articules clairement... Il se débrouillera très bien, Molly. Ne l'ennuie pas, dit Monsieur Weasley en prenant à son tour une pincée de poudre. Mais chéri, si jamais il se perd, qu'est-ce que nous dirons à son oncle et sa tante? Il s'en ficherait complètement, le rassura Harry. Dudley trouverait la plaisanterie excellente si jamais je me perdais dans le conduit d'une cheminée. Ne vous inquiétez pas pour ça. Très bien, dans ce cas, tu n'as qu'à passer après Arthur, dit Madame Weasley. Dès que tu pénétreras dans les flammes, annonce bien fort ta destination. Et garde les bras le long du corps, conseilla Ron. Et ferme les yeux, ajouta Madame Weasley, à cause de la suie. Et ne bouge pas, sinon tu risques de tomber dans la mauvaise cheminée, dit Ron. Mais surtout, ne panique pas et ne sors pas trop tôt. Attends le moment où tu verras Fred et George. En s'efforçant de garder tous ses conseils en mémoire, Harry prit une pincée de poudre de cheminette et s'approcha du feu. Il inspira profondément, jeta la poudre dans l'âtre et fit un pas en avant. Les flammes n'étaient pas plus chaudes qu'une brise tiède. Il ouvrit la bouche pour donner l'adresse et avala aussitôt un nuage de cendres. « Chemin de travers !» balbutia-t-il en toussant. Il eut alors l'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il lui sembla qu'il tournait sur lui-même à toute vitesse dans un grondement assourdissant. Il essaya de garder les yeux ouverts, mais les flammes vertes qui dansaient devant ses yeux lui donnaient mal au cœur. Son coude heurta quelque chose de dur, et il colla ses bras le long du corps en continuant de tourner, tourner, tourner. À présent, c'était comme si des mains glacées le giflaient à toute volée. Il entr'ouvrit les yeux derrière ses lunettes et vit défiler un flot indistinct de cheminées qui lui laissait apercevoir en un éclair des maisons inconnues. Les sandwichs au bacon remuaient dangereusement dans son estomac. Il referma les yeux, espérant de toutes ses forces que tout s'arrête enfin. Et tomba la tête la première sur un sol de pierre froide, en sentant ses lunettes se briser sous le choc. Meurtri, étourdi, couvert de suie, il se releva précautionneusement en maintenant ses lunettes cassées contre son nez. Il n'y avait personne autour de lui et il n'avait aucune idée de l'endroit où il avait atterri. Il se trouvait au milieu d'un foyer de cheminée, dans un endroit mal éclairé qui paraissait être une grande boutique de sorciers. Mais rien de ce qui était exposé là n'avait la moindre chance de jamais figurer sur une liste de fournitures du collège Poudlard. Dans une vitrine proche, il y avait une main desséchée posée sur un coussin, un jeu de cartes tachées de sang et un gros œil de verre. Des masques sinistres accrochés au mur semblaient jeter des regards sournois. Un assortiment d'ossements humains était disposé sur le comptoir et toutes sortes d'instruments pointus et rouillés pendaient du plafond. Pire encore, la rue étroite et sombre que Harry apercevait de l'autre côté de la vitrine n'avait strictement rien à voir avec le chemin de traverse. Il fallait sortir d'ici le plus vite possible. Le nez toujours douloureux après sa chute, Harry se glissa silencieusement vers la porte de la boutique. Il n'était encore qu'à mi-chemin lorsqu'il aperçut à travers la vitrine deux silhouettes qui s'apprêtaient à rentrer. Or, l'un des deux arrivants était la dernière personne qu'il aurait voulu rencontrer dans l'état où il se trouvait, égaré, couvert de suie et les lunettes cassées. Il s'agissait en effet de Drago Malfoy. Harry jeta un bref coup d'œil autour de lui et repéra une grande armoire noire à sa gauche. Il se précipita à l'intérieur et referma les portes sur lui, en laissant une mince ouverture à travers laquelle il pouvait voir ce qui se passait dans la boutique. Quelques instants plus tard, une cloche sonna et Malfoy entra. L'homme qui le suivait ne pouvait être que son père. Il avait le même visage au teint pâle et au nez pointu, les mêmes yeux gris et froids. Monsieur Malfoy traversa la boutique en jetant un regard nonchalant sur les objets exposés et agita une clochette posée sur le comptoir. « Ne touche à rien, Drago, » dit-il en se tournant vers son fils. « Je croyais que tu voulais me faire un cadeau, » répondit Malfoy qui avait tendu la main vers l'œil de verre. « Je t'ai dit que j'allais t'acheter un balai de course, » dit son père en tapotant des doigts sur le comptoir. « À quoi bon si je ne suis même pas dans l'équipe du collège ?» répliqua Malfoy avec mauvaise humeur. Harry Potter, lui, a eu un imbus de mille l'année dernière, par autorisation spéciale de Dumbledore, pour qu'il puisse jouer dans l'équipe des Gryffondors. Il n'est même pas si bon que ça, c'est simplement parce qu'il est célèbre. Célèbre à cause de cette stupide cicatrice sur le front. Malfoy se pencha pour examiner une étagère remplie de crânes humains. Tout le monde est persuadé qu'il est tellement intelligent, le merveilleux Potter, avec sa cicatrice et son balai. « Tu m'as déjà répété ça une bonne douzaine de fois, » dit Monsieur Malfoy en jetant à son fils un regard noir. « Et je te rappelle qu'il n'est guère prudent de ne pas manifester la plus grande admiration pour Harry Potter, étant donné que la plupart d'entre nous le considèrent comme un héros qui a fait disparaître le Seigneur des Ténèbres. » « Ah, Monsieur Barjot !» Un homme aux épaules voûtées venait d'apparaître derrière le comptoir. D'un geste de la main, il ramena en arrière les longs cheveux gras qui lui tombaient sur le front. « Monsieur Malfoy, quel plaisir de vous revoir !» dit Monsieur Barjot d'une voix aussi huileuse que ses cheveux. « Je suis ravi, vraiment. Et le jeune Monsieur Malfoy est là également. J'en suis enchanté. Que puis-je faire pour vous ? Il faut absolument que je vous montre ce que je viens de recevoir aujourd'hui même, à un prix très raisonnable. » « Cette fois, Monsieur Barjot, je n'achète pas. Je vends, » coupa Monsieur Malfoy. « Vous vendez ?» Le sourire de Monsieur Barjot s'effaça quelque peu. « Vous savez sûrement que le ministère multiplie les perquisitions, » dit Monsieur Malfoy, en sortant de sa poche un rouleau de parchemin qu'il déroula pour le faire lire à Monsieur Barjot. « Or, il se trouve que j'ai chez moi quelques, disons, objets qui pourraient me causer d'éventuels désagréments si jamais le ministère s'avisait de... » Monsieur Barjot fixa un pince-nez devant ses yeux et examina la liste. « Le ministère n'irait quand même pas s'en prendre à vous, monsieur. » « Personne n'est encore venu fouiner chez moi. Le nom de Malfoy continue d'imposer un certain respect, mais le ministère se montre de plus en plus inquisiteur. On parle d'un nouvel acte de protection des moldus. Il ne fait aucun doute que ce loqueteux d'Arthur Weasley se trouve derrière tout ça. Il adore les moldus. « L'imbécile !» Harry sentit une bouffée de colère monter en lui. « Et comme vous le voyez, certains de ces poisons pourraient laisser croire... »« Bien sûr, monsieur, je comprends, » dit Monsieur Barjot. « Voyons cela. »« Est-ce que je peux avoir ça ?» coupa Drago en montrant du doigt la main desséchée posée sur le coussin. « Ah, la main de la gloire !» s'exclama Monsieur Barjot en laissant tomber la liste de Monsieur Malfoy pour se précipiter vers Drago. Lorsqu'on met une bougie allumée entre ses doigts, seul celui qui la tient peut bénéficier de sa lumière. Les autres restent dans le noir. Un avantage inestimable pour les voleurs et les pillards. Votre fils a beaucoup de goût, monsieur. J'espère qu'il deviendra autre chose qu'un voleur ou un pillard, répondit froidement monsieur Malfoy. Je ne voulais pas être désobligeant, monsieur, croyez-le bien, s'empressa d'ajouter monsieur Barjot. Mais après tout, c'est peut-être ce qui l'attend s'il ne travaille pas mieux en classe, reprit monsieur Malfoy plus froidement que jamais. « Ce n'est pas ma faute, » répliqua Drago. « Les profs ont tous des chouchous, cette Hermione Granger, par exemple. »« Je pensais que tu aurais honte qu'une fille qui ne vient même pas d'une famille de sorciers obtienne de meilleurs résultats que toi à chaque examen, » lança sèchement M. Malfoy. Harry était si content de voir Drago furieux et déconfit qu'il faillit laisser échapper une exclamation de joie. « C'est comme partout, » dit M. Barjot de sa voix doucereuse. Les sorciers de souche sont de moins en moins respectés. Pas par moi, coupa M. Malfoy l'air hautain. Par moi non plus, monsieur, ajouta M. Barjot en s'inclinant profondément. Dans ce cas, nous pourrions peut-être revenir à la liste que je vous ai confiée, dit M. Malfoy d'un ton sans réplique. Je dois vous avouer que je suis quelque peu pressé par le temps, Barjot. Il y a des affaires importantes qui m'attendent ailleurs. Ils commencèrent alors à marchander. Harry voyait avec inquiétude Drago s'approcher de plus en plus de sa cachette à mesure qu'il examinait les objets exposés dans la boutique. Il contempla d'abord un rouleau de cordes de pendu, puis il lut avec un sourire narquois le carton posé devant un magnifique collier d'opale. Ne pas toucher, objet ensorcelé. Ce collier a provoqué la mort des 19 moldus auxquels il a appartenu. Drago vit alors l'armoire qui se trouvait face à lui. Il s'avança, tendit la main vers la poignée de la porte. « Marché conclu !» dit Monsieur Malfoy au même moment. « Viens, Drago, on s'en va. » Harry s'essuya le front d'un revers de manche en voyant Drago s'éloigner. « Je vous souhaite le bonjour, monsieur Barjot. Je vous attends demain au manoir pour venir prendre tout ça. » Dès l'instant où la porte de la boutique se fut refermée, monsieur Barjot abandonna ses manières onctueuses. « Le bonjour toi-même, Mr. Malfoy. Si ce qu'on dit est vrai, ce que tu m'as vendu ne représente pas la moitié de ce que tu caches dans ton manoir. » La mine sombre, Monsieur Barjot disparut au fond du magasin en marmonnant des paroles incompréhensibles. Harry attendit un bon moment au cas où il serait revenu, puis, en prenant garde à faire le moins de bruit possible, il se hissa hors de l'armoire, se faufila entre les objets exposés dans leur vitrine et sortit de la boutique. Il colla ses lunettes cassées contre son nez et regarda autour de lui. Il se trouvait dans une ruelle minable qui semblait entièrement constituée de magasins consacrés à la magie noire. Celui qu'il venait de quitter, et dont l'enseigne portait le nom Barjot et Burke, était le plus grand de tous. En face, une horrible vitrine exposait des têtes réduites, et un peu plus loin, une grande cage de verre était remplie d'araignées vivantes. Deux sorciers à l'allure miteuse, dissimulés dans l'ombre d'une porte, observait Harry en se parlant à voix basse. De plus en plus mal à l'aise, Harry, qui s'efforçait de maintenir ses lunettes contre son nez, se mit en chemin, dans l'espoir bien illusoire de trouver tout seul le moyen de sortir de là. Une vieille pancarte en bois accrochée au-dessus d'une boutique qui vendait des chandelles venimeuses lui apprit qu'il se trouvait dans l'allée des embrumes. Mais le renseignement ne pouvait lui être d'aucune utilité. Jamais il n'avait entendu parler de cet endroit. Sans doute les cendres qu'il avait avalées dans la cheminée des Weasley l'avaient-elles empêché d'articuler clairement sa destination. Essayant de conserver son sang-froid, il se demanda ce qu'il convenait de faire. « Tu es perdu, mon chéri !» dit alors une voix dans son oreille. Il sursauta. Une vieille sorcière était apparue devant lui, portant un plateau rempli d'ongles humains. Elle le regardait d'un œil torve en découvrant des dents gâtées. Harry eut un mouvement de recul. « Non, non, tout va bien, » dit-il. « Je suis simplement... »« Harry, qu'est-ce que tu fiches ici ?» Harry sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Surprise, la sorcière sauta en l'air, renversant ses ongles qui lui tombèrent en cascade sur les pieds. Elle poussa un juron, tandis que la carcasse massive de Hagrid, le garde-chasse de Poudlard, s'avançait vers eux à grands pas. Au-dessus de sa grosse barbe hirsute, ses yeux noirs lançaient des éclairs. « Hagrid !» s'exclama Harry avec soulagement. « J'étais perdu. La poudre de cheminette !» Hagrid saisit Harry par la peau du cou et l'éloigna de la sorcière après lui avoir fait sauter le plateau des mains. Les hurlements de la vieille harpie les suivirent tout au long de l'allée tortueuse, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la lumière du soleil. Harry distingua alors une forme familière un peu plus loin, la banque Gringotts. Hagrid l'avait ramenée sur le chemin de traverse. « Tu es dans un état épouvantable !» ronchonna Hagrid. Il épousseta les vêtements couverts de suie de Harry avec une telle vigueur qu'il le projeta contre un tonneau rempli de bouse de dragon à la devanture d'un apothicaire. « Qu'est-ce qui t'a pris d'aller te promener dans l'allée des embrumes? C'est un endroit très mal famé. Il ne faut surtout pas que quelqu'un te voie là-bas. »« Je m'en suis aperçu, » répondit Harry en se baissant pour éviter Hagrid qui voulait continuer à l'épousseter. « Je vous ai dit que j'étais perdu. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez là ?»« Je cherchais un produit contre les limaces, » grogna Hagrid. « Elles dévorent tous les choux dans le potager de l'école. » « Tu n'es quand même pas venu tout seul. »« J'étais avec les Weasley, mais on a été séparés, » expliqua Harry. « Il faut que je les retrouve. » Ils se mirent à marcher le long de la rue. « Comment ça se fait que tu n'aies pas répondu à ma lettre ?» demanda Hagrid. Harry, qui avait du mal à suivre les grandes enjambées du géant, lui raconta la visite de Dobby et ce que les Dursley lui avaient fait subir. « Maudit moldu !» maugréa Hagrid. « Si j'avais su... »« Harry ! Harry ! Par ici !» Harry leva la tête et vit Hermione Granger en haut des marches qui menaient à l'entrée de Gringotts. Elle se précipita à sa rencontre, ses cheveux bruns et touffus volant derrière elle comme une bannière. « Qu'est-ce qui est arrivé à tes lunettes ?»« Bonjour, Hagrid. Ça fait tellement plaisir de vous revoir tous les deux. Tu vas chez Gringotts, Harry ?»« Oui, dès que j'aurai retrouvé les Weasley. »« C'est comme si c'était fait, » dit Hagrid avec un sourire. En effet, Ron, Fred, George, Percy et Monsieur Weasley émergèrent de la foule et coururent vers eux. « Harry !» s'exclama Monsieur Weasley hors d'haleine. On espérait tous que tu n'avais pas atterri trop loin. Il épongea son crâne chauve et luisant. Molly est dans tous ses états. Ah, la voilà. Où est-ce que tu t'es retrouvé ? Demanda Ron. Dans l'allée des embrumes, répondit Harry d'un air sombre. Formidable ! S'exclamèrent Fred et George d'une même voix. Nous, on n'a jamais eu le droit d'y aller, dit Ron avec envie. J'espère bien, il ne manquerait plus que ça, grogna Hagrid. Madame Weasley apparut enfin, courant à toutes jambes, Ginny accrochée à son bras. Oh, Harry, mon petit chéri ! « Tu aurais pu atterrir, Dieu sait où !» Le souffle court, elle sortit une brosse à habits de son sac à main et entreprit de débarrasser de ses vêtements la suie que Hagrid n'avait pas réussi à enlever. Monsieur Weasley prit les lunettes de Harry, les toucha du bout de sa baguette magique et les lui rendit. Elles étaient redevenues comme neuves. « Il faut que j'y aille, » dit Hagrid dont Madame Weasley ne voulait pas lâcher la main. « À bientôt, à Poudlard !» Et il s'en alla à grands pas, dépassant de la tête et des épaules la foule qui se pressait le long de la rue. « Devinez qui j'ai vu chez Barjo et Burke ?» dit Harry à Ron et Hermione tandis qu'ils montaient les marches des Gringotts. « Malfoy et son père. Est-ce que Lucius Malfoy a acheté quelque chose ?» demanda aussitôt Monsieur Weasley qui les suivait. « Non, il était venu vendre. »« Donc il est inquiet, » dit Monsieur Weasley avec une satisfaction féroce. « Ah, j'aimerais tellement coincer Lucius Malfoy un de ces jours. »« Fais attention, Arthur, » avertit Madame Weasley alors qu'ils entraient dans la banque, salués par le gobelin de garde. « Cette famille ne peut attirer que des ennuis. Tu risques de t'attaquer à un trop gros morceau. » « Tu crois que je ne suis pas de taille à lutter contre Lucius Malfoy ?» s'indigna Monsieur Weasley. Mais son attention fut détournée par les parents d'Hermione, debout devant le long comptoir qui s'étirait tout au long du grand hall de marbre. Un peu nerveux, ils attendaient qu'Hermione fasse les présentations. « Mais vous êtes des moldus !» s'exclama Monsieur Weasley avec ravissement. « Il faut absolument que nous allions boire un verre. Qu'est-ce que vous avez là ? Ah, vous avez de l'argent moldu ? Molly, regarde ça ! Tout excité, il montra à son épouse le billet de 10 livres que M. Granger avait à la main. « On se retrouve tout à l'heure ?» dit Ron à Hermione. Un gobelin de Gringotts conduisit Harry et les Weasley vers les sous-sols où était entreposé leur argent. Pour se rendre dans les coffres, il fallait emprunter de petits wagonnets montés sur rails qui sillonnaient les couloirs souterrains de la banque. Harry fut enchanté de cette promenade qui rappelait les montagnes russes des fêtes foraines. Mais lorsque le gobelin eut ouvert le coffre des Weasley, il fut encore plus effaré qu'à son arrivée dans l'allée des embrumes. Il ne contenait en effet qu'une toute petite pile de mornilles d'argent et un seul galion d'or. Madame Weasley regarda dans les coins pour voir s'il ne restait rien d'autre, puis elle ramassa la pile de pièces qu'elle enfouit dans son sac. Harry se sentit encore plus mal à l'aise lorsqu'ils se retrouvèrent devant son propre coffre. Il essaya d'en dissimuler le contenu, pendant qu'il se hâtait de remplir une bourse de cuir avec des poignées de pièces. Quand ils furent de retour à l'entrée de la banque, ils se séparèrent à nouveau. Percy marmonna qu'il avait besoin d'une nouvelle plume, Fred et George avaient vu dans la foule leur ami Dick Jordan, Madame Weasley et Ginny devaient aller dans un magasin qui vendait des robes d'occasion. Quant à M. Weasley, il insista pour emmener les Granger boire un verre au chaudron baveur. « On se retrouve chez Fleury et Bott dans une heure pour acheter vos livres, » dit Madame Weasley en emmenant Ginny. « Et vous, ne vous avisez pas de mettre les pieds dans l'allée des embrumes, » lança-t-elle aux jumeaux qui étaient partis de leur côté. Harry, Ron et Hermione suivirent la rue sinueuse couverte de pavés. La bourse pleine d'or, d'argent et de bronze qui tintait joyeusement dans la poche de Harry ne demandait qu'à être dépensée, et il acheta 3 grosses glaces à la fraise qu'il léchèrent en même temps que les vitrines des magasins. Ils virent Fred et George, en compagnie de Lee Jordan, faire provision de pétards mouillés du docteur Flibuste, explosion garantie sans chaleur. Dans une petite boutique de brocante, ils aperçurent également Percy, plongé dans un livre intitulé « Histoire des préfets célèbres ». Une grande étude consacrée à la carrière des préfets de Poudlard, lut Ron à voix haute au dos du livre. Vraiment passionnant. « Fiche le camp !» répliqua sèchement Percy. « Il est très ambitieux, Percy. Il a déjà tout un plan de carrière dans la tête. Il veut devenir ministre de la magie. » expliqua Ron à voix basse. Ils poursuivirent leur promenade, et une heure plus tard, ils prirent la direction de la librairie Fleury et Bott. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls à s'y rendre. Lorsqu'ils arrivèrent à proximité, ils virent à leur grande surprise une foule immense qui se pressait à la porte du magasin. La cause de cette affluence s'étalait en grosses lettres sur une banderole accrochée à la façade. Aujourd'hui, de 12h30 à 16h30, Gilderoy Lockhart dédicacera son autobiographie « Moi, le magicien ». « On va pouvoir le rencontrer !» s'écria Hermione. « C'est lui qui a écrit à peu près tous les livres de la liste !» La foule était essentiellement composée de sorcières de l'âge de Madame Weasley. Le sorcier libraire visiblement épuisé qui se tenait à l'entrée essayait de modérer l'ardeur des admiratrices. « Du calme, mesdames, s'il vous plaît. Ne poussez pas. Attention aux livres !» Harry, Ron et Hermione parvinrent à se glisser à l'intérieur de la librairie. Une longue queue s'étirait sur toute la longueur du magasin, au fond duquel Gilderoy Lockhart signait ses livres. Tous trois prirent un exemplaire de Flânerie avec le spectre de la mort et se faufilèrent le long de la queue jusqu'à l'endroit où attendaient les Weasley, en compagnie de Monsieur et Madame Granger. « Ah, vous êtes là. Très bien, » dit Madame Weasley. Elle avait le souffle court et ne cessait de se tapoter les cheveux pour les maintenir en place. « On va bientôt le voir. » Lorsque la file avança, ils aperçurent Gilderoy Lockhart, assis à sa table, entouré par de grandes photos de lui qui lançait des clins d'œil à la foule avec un sourire aux dents étincelantes. Le vrai Lockhart était vêtu d'une longue robe de sorcier d'un bleu myosotis, parfaitement assortie à la couleur de ses yeux, et son chapeau pointu était posé un peu de travers sur ses cheveux ondulés pour lui donner un air plus cordial. Un petit homme de mauvaise humeur lui tournait autour en prenant des photos avec un gros appareil qui laissait échapper un nuage de fumée violette chaque fois qu'il déclenchait son flash aveuglant. « Dégagez !» aboya le photographe à l'adresse de Ron en reculant pour avoir un meilleur angle. « C'est pour la gazette du sorcier !»« Ce n'est pas une raison pour marcher sur les gens !» répliqua Ron qui frottait son pied écrasé par le petit homme. Gilderoy Lockhart avait entendu la scène. Il leva les yeux, vit Ron, puis Harry. Pendant un instant, il ouvrit des yeux ronds. Puis il bondit sur sa chaise en hurlant. « Ma parole, ce n'est quand même pas Harry Potter !» Un chuchotement fébrile s'éleva de la foule qui s'écarta, tandis que Lockhart se précipitait sur Harry, l'attrapait par le bras et l'entraînait vers sa table sous des applaudissements nourris. Harry avait les joues en feu lorsque Lockhart lui serra la main pour l'objectif du photographe, qui mitraillait comme un fou en projetant une épaisse fumée sur les Weasley. « Fais-nous un beau sourire, Harry !» dit Lockhart à travers ses dents étincelantes largement exhibées. « Toi et moi, on va faire la une !» Quand il lâcha enfin la main de Harry, celui-ci ne sentait plus ses doigts. Il essaya de revenir vers les Weasley, mais Lockhart lui passa un bras autour des épaules, le tint fermement à côté de lui. « Mesdames et messieurs » dit-il d'une voix forte en demandant le silence d'un signe de la main. « Voici un moment extraordinaire, un moment idéal pour vous annoncer quelque chose que j'avais gardé secret jusqu'à présent. Lorsque le jeune Harry Potter est entré chez Fleury et Bott aujourd'hui, il voulait simplement acheter mon autobiographie, que je vais me faire un plaisir de lui offrir gratuitement. » La foule applaudit à nouveau. Mais il ne se doutait pas le moins du monde que bientôt il aurait beaucoup plus que mon livre « Moi, le magicien », poursuivit Lockhart en donnant à Harry une bourrade affectueuse qui fit glisser ses lunettes au bout de son nez. « En effet, lui et ses camarades de classe vont avoir le vrai magicien en chair et en os. » « Eh oui, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et la fierté de vous annoncer qu'à partir de la rentrée de septembre, c'est moi qui assurerai les cours de défense contre les forces du mal à l'école de sorcellerie de Poudlard. » Sous les exclamations de joie et les applaudissements de la foule, Harry se vit offrir la collection complète des livres de Gilderoy Lockhart. Titubant un peu sous le poids des volumes, il parvint à se glisser vers un coin de la boutique où Ginny attendait à côté de son nouveau chaudron. « Tiens, je te les donne, » marmonna Harry en laissant tomber les livres dans le chaudron. « J'achèterai moi-même mes propres exemplaires. »« Ça a dû te faire plaisir, Potter, » dit alors une voix que Harry n'eut aucun mal à reconnaître. Il se redressa et se retrouva face à Drago Malfoy, qui le regardait de son air toujours aussi méprisant. « Le célèbre Harry Potter, » poursuivit Malfoy. « Il ne peut même pas entrer dans une librairie sans faire la une des journaux. » « Laisse-le tranquille, ce n'était pas sa faute, » répliqua Ginny en lançant à Malfoy un regard assassin. C'était la première fois qu'elle ouvrait la bouche en présence de Harry. « Alors, Potter, tu t'es trouvé une petite amie ?» ironisa Malfoy. Ginny devint écarlate, tandis que Ron et Hermione les rejoignaient en se frayant un chemin parmi la foule, les bras chargés de livres de Lockhart. « Ah, c'est toi, » dit Ron, qui regarda Malfoy comme s'il s'était agi d'une saleté sur la semelle de sa chaussure. « Tu dois être surpris de voir Harry ici, non ?» « Ce qui me surprend le plus, c'est de te voir dans une boutique, Weasley, » répliqua Malfoy. « J'imagine que tes parents n'auront plus rien à manger pendant un mois après t'avoir acheté tous ces bouquins. » Ron devint aussi écarlate que Ginny. À son tour, il laissa tomber ses livres dans le chaudron et s'avança vers Malfoy, mais Harry et Hermione le retinrent par les pans de sa veste. « Ron !» s'écria M. Weasley noyé dans la foule en compagnie de Fred et de George. « Qu'est-ce que tu fabriques ? Viens, on sort ! C'est de la folie ici !»« Tiens, tiens, tiens. Arthur Weasley. » C'était M. Malfoy. Il avait rejoint Drago et lui avait posé une main sur l'épaule en arborant le même sourire méprisant. « Lucius, » dit M. Weasley en le saluant froidement d'un signe de tête. « Beaucoup de travail au ministère, à ce qu'on dit, » lança Malfoy. « Toutes ces perquisitions, j'espère qu'il vous paie des heures supplémentaires, au moins. » Il plongea la main dans le chaudron de Ginny, parmi les livres neufs sur papier glacé de Gilderoy Lockhart, et en sortit un vieil exemplaire usé du guide des débutants en métamorphose. « Apparemment pas, » dit-il. « À quoi bon déshonorer la fonction de sorcier si on ne vous paie même pas bien pour ça ?» M. Weasley devint encore plus cramoisi que Ron et Ginny. « Nous n'avons pas la même conception de ce que doit être l'honneur d'un sorcier, Malfoy, » dit-il. « Ça ne fait aucun doute, » répliqua M. Malfoy en tournant ses yeux pâles vers M. et Mme Granger, qui observaient la scène avec appréhension. « Vous fréquentez de drôles de gens, Weasley. Je ne pensais pas que votre famille puisse tomber encore plus bas. » Il y eut un bruit métallique lorsque le chaudron de Ginny se renversa. M. Weasley venait de se jeter sur M. Malfoy en le projetant contre une étagère remplie de livres. Une dizaine d'épais grimoires leur tombèrent sur la tête dans un grondement de tonnerre. « Vas-y, papa !» s'écria Fred et George. Madame Weasley se mit à hurler. « Non, Arthur, non !» s'écria-t-elle. La foule recula en désordre, renversant d'autres étagères au passage. « Messieurs, s'il vous plaît !» s'exclama un vendeur. « Allons, allons, messieurs, ça suffit !» dit une voix plus puissante que les autres. Hagrid s'avança vers eux dans l'océan de livres étalés par terre. Un instant plus tard, il avait séparé M. Weasley et M. Malfoy. M. Weasley avait la lèvre fendue et M. Malfoy avait reçu dans l'œil une encyclopédie des champignons vénéneux. Il tenait toujours à la main le vieux livre de Ginny sur la métamorphose. Les yeux flamboyants de hargne, il lui jeta le volume. « Tiens, jeune fille, prends ton livre, » dit-il à Ginny. « Ton père ne pourra jamais rien t'offrir de mieux. » Il repoussa Hagrid, qui le maintenait à distance, fit signe à Drago de le suivre et s'empressa de sortir du magasin. « Vous n'auriez pas dû faire attention à lui, Arthur, » dit Hagrid qui souleva presque M. Weasley du sol en voulant le défroisser la robe. « Toute cette famille est pourrie jusqu'à la moelle, chacun sait ça. Il ne faut jamais écouter ce qu'il dit un Malfoy. Ça l'engeance. Allez, venez, sortons tous d'ici. » Le vendeur fit mine de vouloir les empêcher de sortir, mais lorsqu'il s'aperçut qu'il arrivait à peine à la taille de Hagrid, il se ravisa. Ils se dépêchèrent de regagner la rue, les Granger tremblant de peur, Madame Weasley folle de rage. « Un bel exemple à donner aux enfants, se battre en public. Je me demande bien ce qu'a dû penser Gilderoy Lockhart. »« Il était très content, » dit Fred. « Tu ne l'as pas entendu quand on est parti ?» Il demandait au type de la Gazette du Sorcier s'il pourrait parler de la bagarre dans son reportage. Il a dit que ça ferait une très bonne publicité. mais l'humeur n'était guère à l'allégresse sur le chemin du chaudron baveur, d'où Harry, les Weasley et tous leurs achats devaient rentrer au terrier par la poudre de cheminette. Dans le pub, les Granger prirent congé et regagnèrent la rue, côté Moldu. Monsieur Weasley avait commencé à leur demander comment fonctionnaient les arrêts de bus, mais en voyant le regard noir de son épouse, il estima préférable de ne pas insister. Harry enleva ses lunettes, qu'il mit à l'abri dans sa poche avant de prendre la poudre de cheminette. Ce n'était vraiment pas son moyen de transport préféré. La lecture du soir sur la radio des bons coins. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona. Toute l'équipe de la radio des bons coins vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.